da ba di da da da ba di da da da ba di da. Tu dis que tu t'en vas, mais je voudrais rester dans l'angle de tes bras. Et quand tu reviendras, est-ce que j'y reviendrai? Est-ce qu'on se reverra? Sans le dire, j'emmène tout ce que je peux de bons souvenirs. Sans le dire, je saigne. Et te le dire me gêne. Je fais au mieux pour que tu le comprennes. Sans le dire, tu dis que tu n'es pas la fille qu'on connaît et que tu mens parfois. Mais j'ai touché du doigt un bout de vérité dessous ton haut de soie. Et sans le dire, j'emmène tout ce que je peux de bons souvenirs. Sans le dire, je saigne. Et te le dire me gêne. Je fais au mieux pour que tu le comprennes. Sans le dire. Fais au mieux pour que tu le comprennes, sans le dire.